tout va bien. On commence l'année gentiment. Et on va passer une année 2021 formidable. Et c'est ce que je vous souhaite. Je Claude. Philippe aussi. Par hasard, est-ce que vous utilisez un iPad pour cette vidéoconférence? Non. Non, moi je suis sur un Dell traditionnel. Et moi je suis sur un autre Dell traditionnel aussi. Et toi, tu utilises quoi là? J'ai un iPad et après les derniers upgrades, il y avait tellement de bugs que je n'arrivais plus à utiliser Skype. Alors, je suis tout soulagé que ça marche de nouveau. Bon, en tout cas, ça a été plus rapide cette fois-ci que les fois dernières. Hein. Donc, finalement, c'est pas mal. Ouais, mais tu vois, là, moi, sur mon Dell, je n'arrivais pas à me connecter. C'est pour ça que je suis légèrement en retard. Parce que j'ai tout dû reparamétrer. Il a perdu mes mots de passe, il a perdu tout. Et on va retrouver ça à 14h55. Bon, mais on y est arrivé, quoi, avec une minute de retard. Désolé. Avant qu'on attaque là... Bon, vous avez passé de bonnes fêtes, tout va bien? Ben oui, en tout cas, on s'était vu après les fêtes de Noël, donc déjà, ça allait bien là. Oui. Ouais, mais le 1er janvier, c'était bien. Oui, on l'a passé en deux. Bon, c'était bien. Et les poules et le coq, va bien? Il va bien, il est juste à côté de moi, regardez bien. Ouais. Pour faire le voir. Oh, mais oui. Il est magnifique. Mais il y a combien de cocottes? Il y a trois cocottes. Ah ouais, d'accord. Alors, il s'ennuie pas alors, c'est bon. Et je vois que tu avais de la neige. Il y a encore un paquet de neige de 30 cm et les cocottes sont derrière la porte. Bon. Ils ont bien compris qu'on leur donne parfois à manger ici. D'accord. Alors, c'est très sympa de les voir, c'est vivant durant ces temps de coronavirus, c'est sympa. Voilà. Eh bien, écoutez, super. On leur promet pas la grippe aviaire. Hein. Non. Bah oui, non, mais voilà, ça peut venir par tous les bouts. Oui, oui. Mais si le coq chante, je le chasserai. Hein, ne vous en faites pas. Non, mais ça donne un peu de charme à mon podcast et je suis très content. Très content. Ah, c'est peut-être un problème d'ailleurs. Si le coq chante trois fois. Ah, si le coq chante trois fois, on lui dira que c'est pas le bon moment et qu'il prenne ses dispositions pour. Hein. Voilà. Bon, à part ça, est-ce que vous avez reçu les photos que j'ai faites du jardin merveilleux? Moi en tout cas j'ai reçu ça il y a déjà un moment, puis tu viens de faire un envoi. Eh bien bien sûr, parce que vous ne m'aviez pas répondu. Ah, alors je me suis dit que... Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc ça veut dire qu'il faut répondre à chaque fois, oui d'accord. Non, ça veut en fait pas... c'est en double, oui, c'est ça. Bah, oui, je les ai réenvoyés maintenant. Pourquoi ça? Parce que ça me paraissait bien, Philippe... comment dirais-je, que on parle du jardin merveilleux en long, en large et en travers à notre ami Roderick, mais il n'a pas bien la configuration des lieux, il n'a pas bien on lui demande de travailler sur quelque chose, mais bon, il ne sait pas bien comment les choses se passent. Alors ça me paraissait bien de faire un petit reportage sur le jardin pour voir et que tu fasses la présentation, Philippe, de ton jardin, hein, parce que c'est quand même ton jardin, et que tu expliques bien la configuration des lieux, voilà. Alors j'ai fait un petit détour par Saint-Goustan de façon à montrer ça aussi à Roderick, hein, parce qu'il ne le connaît pas. Et je pense... Il a quand même eu des photos, et puis si vous allez en fait sur Dropbox Paper, normalement, il y a plein de choses déjà. Là, j'ai bien vu là les photos, mais le dernier mail que j'ai de Claude, c'est au sujet de la grande lascive. Oui, c'est ça. C'est celui-là? Non, il y en a un autre avant, avec les photos, avec un lien sur Google Photos. Je comprends pas. Mais je vais regarder. Mais en effet, sur le site, il y a déjà beaucoup de photos. C'est... D'accord. Non, mais ce qui me paraissait important, c'est que tu aies une bonne configuration des lieux. Et que, parce que c'est difficile de travailler sur quelque chose que tu... Voilà. Oui. Hein? Tout à fait raison. Merci beaucoup, Claude. Voilà. Alors, moi, ce que je peux faire éventuellement, c'est pour faciliter une présentation. Alors, moi, j'ai travaillé de mon côté sur ce qu'on avait dit, c'est-à-dire la porte et puis la fontaine et puis la grande lessive en haut. Mais par contre, je veux bien faire une présentation et à ce moment-là, je vais partager mon écran avec vous parce que ça va m'aider à présenter et je vais le partager sur... Sur quoi ? Sur les photos que je t'ai envoyées ? Non, pas sur les photos, c'est déjà sur les plans qui existent sur Paper Dropbox. Pour bien situer l'ensemble, où est-ce qu'on est, ce qui se passe, etc. Qu'on ait la bonne vision des choses. D'accord. Et ça permettra aussi de tester cette histoire de partage d'écran. Ça va savoir si vous recevez bien ce côté-là. Alors, j'essaye. Hein. Hop, partager l'écran. Celui-là. Démarrer le partage. Alors, un programme en cours d'exécution n'est pas compatible avec certains éléments visuels de Windows. Bon, pour l'instant, vous avez quoi ? Vous avez que notre... Il n'y a rien de plus. Il y a l'arborescence de Dropbox. Ah, c'est très bien. Donc, je vais mettre ça de côté. Et je vais aller sur plan du terrain. Paper. Allez, regarde. Voilà, ça y est. Ah ouais. Alors ça, c'est normalement des choses dont vous avez déjà, auxquelles vous avez déjà accès, des choses que j'avais rajoutées. Et donc là maintenant, je vois, vous voyez aussi parcourir ma petite flèche sur l'écran. Oui. Ça marche. Comme ça permet de représenter la chose. Alors. On a la rivière, alors là c'est le cadastre. Hein. On a la rivière qui fait le tour, ici. De ce côté-là, on a ça s'en va vers la mer. Et de l'autre côté, ça remonte vers la source du Loc. Alors, en fait, ici, il y a le pont entre Auray et Saint-Goustan. En dessous, on a ce qu'on appelle la rivière d'Auray. Et au-dessus du pont, on a ce qu'on appelle le Loc. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que l'on peut remarquer ? Bon, ben, le 1, là, signifie l'endroit où c'est. Et on voit bien l'endroit où c'est, puisque c'est un renfoncement qui place le terrain sous la protection du littoral. La protection du littoral, en fait, termine en haut du terrain. Donc, on est vraiment dedans avec tous les impératifs et les contraintes que ça veut dire. C'est-à-dire, au niveau constructibilité, c'est très limité là. On a un endroit qui s'appelle NAA ici. Là, on a une constructibilité, mais avec beaucoup de restrictions. Puis tout le reste est inconstructible. Alors, je vais en même temps vous présenter une partie du fruit de ma réflexion. Voilà la suite. Ça, c'est au niveau du plan d'aménagement où il est mentionné ici une ligne d'arbres qui n'existe pas et qui serait due à la volonté d'un des précédents chefs de l'urbanisme local qui voulait mettre en fait un alignement d'arbres à un endroit où en fait tout est rocheux. Donc c'était perdu d'avance, mais en fait ils n'ont rien modifié depuis. Et le reste, en petite croix verte, veut dire usage naturel, maraîcher ou agricole. Voilà. Notre terrain fait ça, ici. Ici, on a l'ancienne maison dite Tillon, du nom de la famille qui a longtemps habité. Et maintenant, j'ai vu que c'était Guillas. Guillas, c'était la fille de Madame Tillon. Et elle est toujours là. Alors, il me semblait que c'était vendu, mais en fait, les travaux qui y sont mentionnés sont au nom de Guillas. Alors, je n'ai pas encore repris contact avec eux. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, s'ils ont réussi à vendre ou pas. Bon. Et donc, nous, nous sommes à côté, avec un mur ici mitoyen, un mur ici qui retient, qui soutient la route, la rue neuve qui est là, qui est tout le long, et donc qui normalement nous appartient, mais dont l'entretien est à la charge de la commune, d'après le dernier levé qui a été fait en présence du maire, de géomètre, expert, etc. En bas, par contre, pour l'instant, on n'a que des réactions de fuite de la part du service de l'urbanisme de la mairie, parce qu'ils ne veulent pas avoir la charge d'entretien de la falaise. Mais la falaise, en fait, m'appartient. Le problème est de savoir exactement où passe la limite entre le domaine public et le domaine privé. Et ça, ils se gardent bien de le dire, parce que je crois qu'ils ont empiété sur mon domaine. Voilà. Donc, plus tard, ils constateront leur erreur, mieux ils se porteront. Voilà. Et ici, on a la petite maison de Sylvie Dujardin, une des trois anciennes propriétaires, avec son jardin. Et entre les deux, un escalier qui fait monter de 3 mètres, 3 mètres 50. Donc, le terrain ici commence 3 mètres 50 au-dessus du sien. Mais avant, le père du jardin, en fait, habitait là, montait les escaliers et allait faire son champ de patates, ici, sur le terrain. Alors, particularité sur laquelle j'ai réfléchi, c'est que, ici, on a le 28 quai 9, et ici, on a le 30 quai 9. De l'autre côté, on a le 1. C'est-à-dire qu'il y a le côté impair, qui est le côté de l'eau, et le côté pair, qui est du côté de la montagne. Il n'y aura jamais... Alors, là, entre le 28 et le 30, en fait, il devrait y avoir un 29. Mais le 29 devrait être de l'autre côté. Mais le 29 n'existera jamais. Pourquoi ? Parce que le 1 étant là, et les quelques maisons qui sont ici, là... On arrive au maximum au numéro 7. Et comme l'endroit est inconstructible, ben, il n'y aura jamais plus que 7 à cet endroit-là. Ce qui veut dire que le 29, ben, ça peut être qu'ici, entre le 28 et le 30. Oui, mais ça ne peut pas être du même côté. Alors, c'est là que j'ai élucubré là-dessus, parce que 29... C'est 2 et 9. Ça, c'est pour faire chimiquer Claude. C'est 2 et 9. En fait, c'est vrai, il y a 2 et 9. Il y a le quai 9 et la rue 9. Donc, ça fait 2 et 9. Oui, non, mais attends. Avant de travailler sous des aspects kabbalistiques, je suis à positionner le débat, si tu veux. Ouais. Tu nous as dit que... Le 28 et le 29. 28 ici, oui. 30 ici. D'accord. Donc le 29, c'est à la place du 1, quoi, grosso modo. Là. Le 29, de toute façon, le 29 ne peut pas être du côté pair. Eh ben non. Alors voilà, c'est moi qui me trompais. Donc il doit être en face. Il est dans l'eau, quoi. Il sera jamais là, puisque en fait, en face, c'est le 1. D'accord. Alors. Et à l'autre bout du quai, qui est en fait à la fin du quai, c'est le numéro 7. Donc, en fait, au-delà, les 9, 11, etc., n'existeront jamais. Alors, ça veut peut-être dire que par rapport à la rue Neuve, où tu as ton entrée, quelle est l'adresse de ton entrée ? 13 rue Neuve. Voilà, bah, ton entrée, elle est là. Oui, mais l'entrée, ça c'est l'entrée, je dirais, postale et officielle, ouais. Mais l'entrée que l'on veut... Elle est en bas. Ah, ça, c'est autre chose. C'est pour ça que je te demandais de bien le préciser. Que voilà. L'entrée que tu veux, elle est en bas. Mais est-ce que tu as les moyens de ta politique ? Ah, bah, alors, une chose après l'autre. Hein. Alors, on en est donc là. Là, on a en fait toute une série de réseaux que j'ai mis. Hein. Ce sont réseau des eaux, de l'eau de pluie, des eaux usées, etc. Donc, qui sont en vert, en bleu, et tout, tout ça. Là, on voit bien le 1, qui est en fait un emprunt de, sur la rivière, qui est en fait un endroit qui n'aurait jamais dû être. À cet endroit-là, d'ailleurs, qui pose un problème de remous, parce que à l'autre bout, il y a en fait un méandre qui fait que le courant arrive ici et donc vient frapper là. Donc c'est un endroit qui est particulièrement exposé par rapport au courant. Et après ça, il va taper de l'autre côté, du côté de la belle maison qui est juste en face là, c'est-à-dire les locaux revus. Voilà. Donc, on voit bien que c'est un emprunt et que pour cet emprunt, il a fallu prendre du terrain et ce terrain, il a été pris en fait à l'endroit de la grotte. C'est un endroit, c'est l'endroit où il manque, où il y a ce fameux manque de terrain rocheux, donc qui est tout à fait plausible. Pour l'instant, c'est en fait les dires de Sylvie et Danick du jardin à qui ils avaient posé la question à leur père et leur père leur avait répondu ça que c'était un emprunt en génie civil. L'emprunt c'est en fait une carrière pour pouvoir extraire du matériau et l'utiliser en remblai quelque part. Donc Voilà le terrain tel qu'il se présente, le nord étant vertical, là, en haut. Donc, on a une orientation, une pente qui est vers le nord-nord-est. On a cette pente qui est en direction du nord. Donc, finalement, on est vraiment orienté avec le soleil qui passe derrière nous, qui passe de l'est, ici, vers l'ouest. Nous avons parlé dans les précédents messages et débats de cette fameuse porte que l'on placerait ici, à cet endroit-là. Parce qu'ici, il y a un renfoncement aussi, il y a eu un emprunt à un moment, la falaise est un peu décalée. Et c'est là qu'on pourrait monter. Donc, les gens qui arriveraient par le quai, ici, il y aurait une porte pour pouvoir monter sur le terrain. Et comment tu montes ? Alors, pour l'instant, je monte avec bras et pieds. C'est-à-dire, il n'y a pas d'escalier, hein, pour l'instant, il n'y a rien. Mais quelqu'un qui serait un peu acrobate arriverait à monter. Moi, je suis arrivé à monter, donc j'ai mis quelques branches en travers pour éviter ça. Parce que sans ça, on aurait très vite des échanges de jeunes et de produits peut-être pas terriblement licites dans la cabane qui est juste en haut. Ou même des visites qui poseraient problème pour l'outillage que j'y ai laissé. Et Philippe, quel est le degré de pente Il est énorme. Depuis tout en bas, c'est énorme. 60, je ne sais pas. Oh ben, la pente moyenne est de 45 degrés. Ah, ok. Donc de 1 pour 1. Et par contre, elle est en forme de verticale et semi-horizontale. Donc en bas, en fait, tout le long, on a une falaise, ouais. Un creux ici avec la grotte, la falaise encore, et ici un petit creux. Et à chaque fois, il faut monter d'au moins 3 à 4 mètres à escalader pour pouvoir se situer, pour pouvoir rentrer sur le terrain. Donc on est vraiment au-dessus de la route, au-dessus du quai. Il y a des endroits ici où en fait on est au-dessus des voitures qui stationnent. Et j'ai commencé d'ailleurs à mettre en place, ça c'est les dernières photos que j'avais faites, j'avais commencé à mettre en place des jardins suspendus, c'est-à-dire en fait des avancées végétales qui sont au-dessus des voitures et sur lesquelles on marche actuellement. Et c'est ce que je vais vérifier d'ailleurs au mois de janvier, là je viens bientôt, hein, là-bas. et de vérifier que, en marchant sur ces fascines vives, parce qu'elles sont vives, hein, vives parce que ce sont les arbres qui tiennent, on peut arriver quasiment au-dessus de la route. Donc mon premier rôle cette année, rôle, je dirais, de bûcheron et de jardinier, ça a été de renforcer, de couper tout ce qui était mort de, tout le long ici, pour que ça ne tombe pas sur la route, et de renforcer ce qui était vivant, pour pouvoir y accrocher en fait bah, tout ce qu'on a envie de éventuellement de voir pousser et planter. Alors, ça, attends. Moi, je voudrais reprendre un petit peu ça et que tu nous expliques pourquoi tu mets la porte en bas et non pas au numéro 13 de la rue 9. Quel intérêt tu as à la fois topographique et à la fois comment dirais-je, symbolique de mettre ça en bas. Moi, à mon sens, tu te compliques vachement la vie. Mais c'est mon sentiment. C'est étonnant de ta part, nous qui avons travaillé ensemble sur un jardin en élévation qui fasse que l'homme monte. Mais voilà, l'objectif, en fait, c'est l'élévation. Et donc, de dire, bon, quand on est sur cet endroit-là, j'ai beaucoup de plaisir à y être parce que quand on s'assoit, on peut prendre un pique-nique, on ne voit pas du tout la route et les voitures qui sont en dessous. On voit la rivière et la berge en face, qui est protégée aussi, donc qui n'aura jamais de route, qui est protégée par la loi littorale. Philippe, petite question. Oui. Quelle est la hauteur depuis le quai tout en bas jusqu'à la route du haut, du point de vue vertical? 13 mètres. 13 mètres, d'accord. Oui. Oui. On a ici, alors, la hauteur est variable puisque en fait la topographie générale monte, la rue neuve monte depuis ici, on monte et on monte à peu près jusque-là, jusqu'à un endroit qui s'appelle le Château Branlant. Il y a une avocate et puis un des conseillers municipaux qui a été élu. Qui sont là, donc, et à qui d'ailleurs il est toujours dans la liste de diffusion, donc qui sait ce qui se passe. Et donc, entre ici et là, on est monté de 13 mètres. Et puis, à cet endroit-là, en fait, on a la grotte qui est à peu près à ce niveau-là. Et cette grotte qui s'enfonce laisse une paroi d'environ 8 m50 de chute directe. Celle que l'on voit sur les photos. Alors, je partage l'écran, donc. Jardin merveilleux. C'est quoi ça? Là. Alors, ça, c'est Claude. Prends les photos, t'as tout, là. Ouais. Très bien. Alors, les photos de Claude. Voilà le petit escalier qui monte depuis chez Sylvie Dujardin jusque chez nous. Au début, c'est comme ça, c'est-à-dire c'est relativement peu large, avec un petit muret et une grille. L'avantage aussi de la grille ici, c'est qu'elle n'est pas très haute, ce qui fait que c'est une grille, ce qui fait que les gens voient à travers. Ce n'est pas un mur, alors que de l'autre côté de la rue, en fait, ce sont que des murs, que des gens qui se cachent. Là, on ne cache rien. Voilà une autre vision des choses, où on voit la maison qui a été construite sur la rivière. Et puis ici, le terrain que j'ai commencé à fasciner, ici sur le côté, avec les branches coupées. Et puis une petite rampe ici pour monter jusqu'à la route. La route, voilà la porte elle est là. Ah! Il y a Claude qui cache la porte, je mets de l'autre côté. Voilà. Voilà la porte, quelle qu'elle est. Enfin, c'est plutôt un débris. C'est un portique. C'est un débris qui n'a plus de montant en bas. Mais en fait, qui mentionne quand même qu'on ne peut pas rentrer comme ça, comme on veut. Quoi. Bon. C'est suffisant, en tout cas, pour ne pas attirer trop le regard sur d'éventuels trésors qui seraient derrière. Vu que, c'est ce que je fais d'ailleurs sur notre jardin à Strasbourg, en fait, j'ai mis un cadenas, mais on peut passer par-dessus, puis la petite maison qui cache les outils, en fait, elle n'est pas fermée avec un cadenas, juste pour dire qu'on n'a rien à cacher. Tous ceux qui ont eu des cadenas, ils se sont fait exploser la maison tout autour, et pas nous. C'est ça qui est marrant. Enfin, c'est pas marrant pour eux, mais pour nous, en tout cas, on nous a rien pris. À côté de la porte, donc, j'ai posé au mois de septembre dernier une boîte aux lettres, ce qui permet à ceux qui veulent écrire au Jardin Merveilleux, d'écrire au Jardin Merveilleux. 13 rue Neuve. Gilbert, qui habite juste en face, est chargé de ramasser le courrier et de me tenir au courant. Quoi d'autre ? Descends, parce que comme ça, tu vas montrer la source et l'emplacement de ta future porte où il y a un parking qui est un camping-car qui est garé. Voilà. Alors, Claude est là. On va le mettre là-bas. Voilà, il y a un camping-car qui est garé à cet endroit-là. On a la source. Pourquoi ça ne roule pas là ? Elle est là. Allez. Hop. Elle est là, voilà. Ta source. Tu l'as passée, ta source ? Oui, elle est là. Ouais. Voilà la source, là où ça coule. C'est pas évident, quoi, parce que... On voit ça, ici, on voit quand même qu'il y a quelques filets verticaux qui mentionnent qu'il y a de l'eau qui coule. Actuellement, cette eau, le service de l'urbanisme, les techniciens ont mis un drain en dessous pour récupérer les eaux et les expédier dans le lock, donc passer la route et les expédier dans le lock. Avant, il y avait une grosse flaque, régulièrement. Et là, ils ont commencé à faire quelques petits aménagements pour qu'il n'y ait pas cette flaque. Et ils ont bitumé devant aussi pour mentionner que le domaine public commençait là, sans m'avertir pour autant. Alors, la source. Ici, on a la grotte, on la voit un peu. Oui. Voilà. Voilà la grotte. Donc un renfoncement, on ne voit pas bien le renfoncement là, mais on voit qu'il y a de la paroi rocheuse. Et à cet endroit-là, ici, entre l'endroit où je suis et là-haut, il y a 10 mètres, moins 2 mètres en gros, qui sont là pour le replat qui est juste au-dessus. Donc il y a 8 mètres de chute. 8 mètres de chute qui a déjà accueilli la chute de... Annick du jardin quand elle était petite, quand elle jouait. Et elle est tombée en fait sur un tas de branches en bas, ce qui fait qu'elle est. T'es sûr qu'il y a autant ? Ah oui, j'ai mesuré. D'accord. Je suis venu avec un décamètre. Oui, non, mais un décamètre à la verticale, comment tu le gères ? Tu mets un poids au bout et tu descends. D'accord. Tu te mets en haut et puis. Et tu dis qu'il y a 8 mètres. Et puis confirmé aussi par les niveaux que j'ai, les niveaux NGF. Des routes, d'accord. Qui eux sont données par le service de l'urbanisme. D'accord. Donc là, je suis au courant des dénivelés. D'accord. Et de la rue Neuve à la route, t'as 13 mètres, c'est ça que tu nous disais. C'est ça. Du point le plus haut jusqu'au quai Neuf, qui est quasiment horizontal, hein, oui. À part les ralentisseurs, on a 13 mètres. D'accord. C'est très intéressant parce que en fait, comme la si on met un réservoir en haut, on a quand même 13 mètres de pression au niveau de l'eau. C'est-à-dire on peut faire des choses intéressantes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui. Et ben là, c'est la photo que je n'ai pas pu prendre parce qu'il y avait le camping-car. Oui. C'est le gros problème, là. Hein. Ah. Là, on voit bien le gravier qui a été mis par le service de l'urbanisme, ouais. Hein, qui draine et qui va jeter ça là-dedans. Et ça, ça passe la route et ça va dans le lock. Ah oui. Voilà. Quoi dire d'autre ? T'as une station d'épuration un peu plus loin. Alors, de l'autre côté de la route, il y a une station d'épuration qui font avec une... C'est pas une station d'épuration, c'est un poste de relevage des eaux usées. Alors, on l'a ici, voilà. Poste de relevage de Saint-Goustan, ici. D'accord. Et donc, actuellement, les eaux usées sont... soit passent par là, soit, en fait, font le tour et font le long. De toute façon, les eaux usées ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les eaux de pluie. D'accord. Alors, réseau électrique, là, normalement, il y avait les eaux de pluie. Échec de chargement de l'aperçu. Ok. Bon. Intéressant. Réseau potable. Et celui-là, c'est quoi ? Les eaux pluviales, voilà. Ici, on a une collecte des eaux pluviales du secteur avec une arrivée au droit de ma porte, du 13. D'accord. Et ensuite, ça descend tout en bas. Donc, en fait, ce que j'ai suggéré à, déjà au service de l'urbanisme, c'est de récupérer ces eaux de pluie pour les faire passer directement là. Ici. Par chez toi ? Par chez moi, avec tout un aménagement de, je dirais, hydraulique et des amuses, je dirais, des jeux et des choses comme ça qui pourraient montrer, avec les 13 mètres de dénivelé, tout ce que l'on peut faire avec l'eau. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Rien du tout. Ils étaient intéressés au départ, mais tu sais qu'il y a eu un changement de municipalité. Ouais. Et qu'avant ce changement de municipalité, il y avait un service d'urbanisme dont tout le monde partait, parce qu'il y avait une très mauvaise ambiance. Et donc tous les techniciens auxquels j'ai parlé, en fait, sont partis. Ils sont ailleurs maintenant, ils sont dans d'autres communes. Mmh. Donc il y a une nouvelle équipe, il y a juste la chef, qui depuis le passage de la nouvelle municipalité, ne m'a pas encore répondu. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle est encore chef. Mmh. J'ai eu juste affaire au nouveau responsable, enfin l'adjoint chargé de l'environnement, qui a pris contact avec moi, et à qui j'ai envoyé quelques idées, et qui depuis, en fait, n'a pas donné signe de vie. Mais il est dans la liste de diffusion, donc il sait. D'accord. Par contre, il y avait Joseph Rochelle qui était dans la liste de diffusion, que j'ai dû enlever, puisque, en fait... il est plus maire. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Joseph Rochelle, c'était l'ancien maire, hein. Celui qui a remplacé pendant un certain temps le maire historique de Auray. De fort méchante façon. Mais bon. Alors, est-ce que, Rodrigue, les choses sont plus claires pour toi maintenant ? Mais bien plus claires. Bon. Des beaux plans, des belles photos, très très claires. Bon. Je me posais juste la question s'il y a un peu d'eau qui sort de la grotte, mais probablement pas. Ben, elle sort sur le côté. En fait, elle vient de la grotte. Ah bon ? Oui, oui. Elle est, en fait, elle arrive sur le côté de la grotte. Alors, je vais essayer de trouver une photo. On voit mieux parce que j'ai pris des photos de cette grotte. Alors, comment je vais en voir ? Où est-ce que j'ai trouvé ça ? Plan aménagement, photo. Alors, photo, non, c'était... Photo ? Va sur photo. Aménagement du jardin, j'ai mis quelques photos dessus. Ben, en fait, sur les photos, le problème, c'est que sur Dropbox, on arrive très vite, si on met trop de photos, on arrive très vite à saturation et on doit payer après. Alors, c'est moins rigolo. Alors, là, on voit la vue de dessus sur Géoportail, avec la fameuse grotte qui est là, qui est entourée, mais... Chez Géoportail, et comme d'ailleurs sur Google Earth, ils n'ont pas encore mis à jour. Alors que finalement, tous ces arbres, je les ai... Ça, c'est ce qu'on a fait. Les tomates. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça, c'est le pommier. Ah, non, alors c'est pas là. Va sur le site, parce que je t'avais fait des photos de la grotte bien comme il faut. Oui. Alors, jardin aménagé, est-ce que c'est là ? Je vais sur le site. Hop, j'ai mis ça ici. Oh. Voilà. Voilà, ça commence à charger. Voilà. Là, on a la grotte juste en face. Là. Ah, d'accord. Oui. Voilà la grotte juste en face avec la chute d'ici de 8 mètres. Une fois qu'on l'a nettoyée avec Stéphane. Magnifique. Donc à l'époque, ça date du printemps dernier, avant le printemps dernier, avant que ça commence à repousser. où là, en fait, on a ratiboisé tout ce qui était trop long parce que ça prenait trop de prise au vent, ça risquait de tomber sur les voitures. Et sur ces troncs qu'on a laissés à 1 mètre de haut, maintenant, il y a des fascines, c'est-à-dire des branches en travers qui permettent d'une part de récupérer en fait toutes les matières organiques, les feuilles, etc., pour faire de la terre, et en même temps favoriser la venue des oiseaux. Donc il y a des nids d'oiseaux, pas mal de nids d'oiseaux qui sont installés dans ce secteur-là. Donc c'est assez vivant. Petite question. On retrouve un peu. Oui. Est-ce qu'il y a des risques d'un éboulement, d'un effondrement un peu de ces rochers? Si, supposons que tout commence à lâcher et que ça tombe en bas, par exemple sur les voitures, est-ce que tu as une petite assurance responsabilité civile? Oui. Ça, oui, c'est pour ça que en fait, j'ai mis l'ARIA dedans aussi. C'est-à-dire que d'une part, je suis responsable, c'est la Maïf, hein, et comme ils sont assureurs militants, ils m'ont tout de suite dit que votre jardin soit à 900 km ou à côté de chez vous, c'est pareil, il est assuré. Donc, il n'y a pas de problème. Et pour toutes les interventions de personnes extérieures qui ne sont pas avec moi, en fait, on a l'association ARIA, qui couvre le chantier dit école, tout simplement. C'est un chantier où on apprend à gérer l'environnement. Quoi. Bon. Ah, bah, très bien. C'est l'objectif. Hein. ARIA 2E2D, c'est éducation à l'environnement et au développement durable. Donc, on est complètement dedans. Le seul endroit, en fait, qui pouvait être dangereux, il était là. Et devant, il a été construit un mur. Alors, c'est un mur en pierre sèche, actuellement, pour que l'eau puisse ne pas stagner derrière. Parce que si c'était fermé, il faudrait mettre des barbacanes, enfin des choses qui permettent à l'eau de passer. Parce qu'ici, on a bien la fontaine qui passe ici, qui est en fait juste à côté ici. Mais ici, on a plein d'endroits qui sont mouillés. Donc, on voit que ça descend au fond. Quoi. Ouais. Donc, il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui circule. Et ça va être un peu le but de ma venue au mois de janvier. C'est de regarder maintenant toutes ces parois. C'est du granit et du gneiss. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement costaud. Hein. Ça ne tombera pas comme ça. Ça ne s'érode pas comme ça. Et même les arbres qui ont pris racine dedans, dans les quelques fissures, en fait, elles n'arrivent pas à débloquer ça. C'est normal, c'est du westphalien. Hein, voilà, donc le seul endroit, en fait, au niveau maçonnerie qui est à surveiller, c'est ici, parce que quand on est tenté de monter, on prend appui sur des pierres qui ne sont pas scellées, et donc on a tendance à les faire tomber. Donc, il va falloir trouver une solution pour ça. Y a-t-il parfois des pierres qui lâchent, pas des grandes pierres, mais qui tombent comme ça sur la route ou est-ce que... Non, c'est pas. En fait, de mémoire d'anciens qui ont fréquenté le secteur, les seules choses qui sont tombées, ce sont des arbres. Ce sont en fait des végétaux. Ah oui. Il y en a un qui m'a mentionné une fois une pierre, mais en fait, c'était l'arbre qui était tombé en arrachant la pierre qui était derrière. Quoi. Et c'était... C'était de la taille d'un moellon, quoi. C'était pas énorme. Et ça a été une fois dans les X dizaines d'années qui se sont passées. Ah, le voilà. Bravo. Voilà. C'est le premier mensonge. Premier mensonge. Mais non, il ne ment pas. Alors, c'est toi qui mens, alors. Il a chanté. Roderick, bon. As-tu d'autres questions? Je n'ai pas d'autres questions. Je te remercie beaucoup. C'est formidable que Claude habite si près et qu'il connaisse aussi si bien le terrain. Bon, ben alors, en tout cas, le partage d'écran est intéressant. On a le plan. Bon, là, c'est juste pour mentionner en fait tout ce que vous avez sur Dropbox Paper. Hein. Là, sur Dropbox Paper, finalement, je... Et en fait, comme il s'ouvre chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, il me dit si quelqu'un a rajouté des... Quand on a installé Dropbox Paper sur son ordinateur, il raconte tout de suite dès qu'il y a quelqu'un qui est allé sur le site et qui a écrit des choses, ce qui fait que ça permet de réagir très vite. C'est ce que d'ailleurs avait un peu, je dirais, fustigé Stéphane, qui avait fait toute l'installation et qui en fait a été averti de toutes les modifications que j'apportais. Et au début, j'en ai apporté énormément. Alors, il n'arrêtait pas de recevoir des messages comme quoi il y a eu une modification, j'avais juste changé un mot et c'était un peu casse-pied pour lui. Magnifique. Non, c'est bien, c'est bien. Alors, quoi d'autre ? Il lui a pas tordu le cou quand même. On l'entend plus là tout d'un coup. Là, il bouffe. Et puis il l'a fait rentrer pour qu'il profite de Skype. Ah ben voilà, c'est ça. Comme ça, il va pouvoir entendre tous mes mensonges. Ok. Bah. Alors ici, c'est la fameuse maison qui est juste en face, au Sablaine. Très belle maison avec derrière, au-dessus, il y a. Grossit là la photo. Il y a Claude. Grossit là la photo. Est-ce qu'on peut voir ta maison, Claude ? Mais oui, voilà. Alors, Claude, il est par là. Non, juste à côté, encore un peu à droite. À droite. Ici, là. Voilà, là. Ah oui, oui, oui, formidable. T'es sûr que t'es là ? Moi, je te voyais plutôt là, et là où tu nous avais reçus, c'était juste le... Non, le c'est comme... si tu veux. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Là. Voilà. Ah, ben voilà. Ça appartient à Claude et Mikaela. Voilà. Et donc, la belle maison qui est en face. Alors, le problème de cette belle maison, c'est ça. C'est en bas. C'est que en fait, ils sont à la sortie du méandre et que donc, c'est attaqué d'un côté parce que lorsque le flux est montant avec la marée et attaqué de l'autre côté lorsque le flux est descendant. Ce qui fait qu'ils ont un peu plus de problèmes que nous. Je pense que ça va bientôt leur coûter cher. Pourquoi tu dis ça ? Parce que j'ai vu l'état. Ici, j'ai vu l'état dans lequel c'était. Et il faudra sans doute remettre en état. Là-dessus, les arbres qui sont plantés de ce côté-là, comme de l'autre côté, en fait, ont tendance à défaire les maçonneries. Parce que comme ils ont tout ce qu'il faut pour croître, ils deviennent énormes. Et ils éclatent complètement les maçonneries de part et d'autre. Bon. Il se trouve qu'il y a une partie, alors je ne sais pas à partir de où, il y a une partie qui est protégée maintenant et qui est sous la couverture de la couverture publique. Mais ici, ce n'est pas la couverture publique, là. Ici, c'est la couverture des propriétaires, ici. Bon. Mais c'est beau quand même. Magnifique. Et comme l'eau bouge, moustique, naturellement, en été. Non. Il n'y a pas de moustique du tout. Il n'y en a pas parce que c'est de l'eau salée, déjà, et c'est de l'eau qui passe, c'est pas de l'eau qui stagne. Donc il y a toujours un courant, le problème des moustiques vient des eaux stagnantes, et là il n'y en a pas, donc on est tranquille. Formidable. Les seules eaux stagnantes sont en fait de ce côté-là, ici, parce qu'un peu plus loin, il y a une zone de dépôt qui est à l'intérieur du méandre, et qui comporte quelques petites lagunes, qui est intéressante. Il reste beaucoup les hérons, les aigrettes et tout ça, donc c'est super pour les oiseaux, parce que justement il y a un développement très important de batraciens et d'insectes. Et c'est conservé pour ça. Ah oui. Ça s'appelle une zone humide. Voilà. Tu peux montrer une fois, descends maintenant pour que, voilà. Allez, fais des gros plans. Là, c'est toi qui peux commenter. Pardon ? Là, tu peux faire des commentaires. Ben voilà, alors grossis ça. Voilà. Bon, alors ça, c'est le pont de Saint-Goustan. Ah oui. D'accord ? Un vieux pont en pierre qui a beaucoup souffert, qui a été remanié à plusieurs reprises. Et la dernière fois, il y a très peu de temps, hein, il y a 2017-2018. Voilà. Et alors, ce que tu vois au-dessus du pont, c'est les, c'est les éclairages. Tu te souviens des photos que j'avais envoyées avec des jolies lumières la nuit? Eh ben, c'est fait par ces éclairages-là. Les découpes d'Omel. Voilà. Bon. Et puis, allez, on continue, hein, un petit peu. Voilà. Et alors là, on arrive au port de Saint-Goustan. On ne voit pas grand-chose. Tu peux passer. Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est le port de Saint-Goustan. C'est clair. Et... On est de l'autre côté du pont, là. Hein, côté Saint-Goustan. On est côté Saint-Goustan, de l'autre côté du pont. Et si tu vas à gauche de cette photo, ben, tu trouves la fameuse rue Neuve et on arrive au Jardin Merveilleux. Voilà. Magnifique. Et ça, c'est les bateaux. Là, voilà. Ils ont reconstitué le château, une partie du château pour mentionner qu'il y avait un château à cet endroit-là. Ouais. Ils n'en ont mis qu'un bout et encore ils se sont plantés. Alors... Voilà. Magnifique. Oh là là. Ouais, même le coq, voilà. Il est content. Et ça, c'est bien, il revient tout le temps. Donc, là, le point de vue nous permet de voir ici l'arrivée du quai Neuf et ici le départ de la rue Neuve, donc avec l'écart. Ici, en fait, on est en bas, mais la rue Neuve, après ça, va monter jusqu'à l'endroit du château Branlant, comme je disais, et redescendre de l'autre côté jusqu'à la place dite de l'Enfer. Alors c'est un endroit qui habituellement est très vivant, mais en ce moment avec le Covid, là, c'est très difficile. Bah, oui, mais je trouve ça un peu trop vivant à mon goût, moi. Mais bon. Encore. Mais tu es loin, toi, tu habites loin, alors ça va. Non, mais tous les jours, je vais me promener là. Ah. Il y a beaucoup de gens encore qui ne sont pas trop masqués, pourtant c'est obligatoire. Ultra important de créer un parcours de la place de l'Enfer vers le Jardin Merveilleux. C'est ça, tout à fait. Exactement. Il y a plein d'appels hein, symboliques là-dedans. Hein. Voilà. Ah oui, magnifique. Oh. Bon, encore les bateaux. J'aime bien les bateaux. Oui. Non, mais c'est vrai, j'aime les bateaux. Ah oui. Et voilà, ça va être bientôt la dernière. Ah, ça, c'est vu de chez moi. Ah oui. Waouh, quelle vue. Jardin merveilleux, là. On voit le mur, voilà. Ici, la cabane, le quai, magnifique. Et puis les murs rue Neuve. Alors on a notre paroi de mur qui est là, qui est la nôtre, qui est équipée de, qui est végétalisée. Et puis derrière les murs, derrière lesquels se cachent tous ceux qui sont derrière. Quoi. Oh. Voilà. Super. On voit très très bien. Donc avec la maison construite qui est là, celle-là, la maison du 1, qui est 9. Et puis on voit bien la route hein, qui monte, puis qui là stagne. Le point le plus haut étant ici, à peu près, là, au niveau du château Branlant. Et après ça, ça redescend. Donc c'est vraiment l'endroit le plus haut, il est ici, au niveau de la cabane, en fait. Alors ici, c'est la maison dite maison de Tillon, qui a été mise en vente récemment, mais qui a un boulot monstre de remise en état à l'intérieur. Ça doit être, elle est très belle, faite en granit, et bon, c'est des très belles pierres, mais c'est froid, c'est super froid. Je l'ai visité avec Madame Guillas, qui était la fille de l'ancienne propriétaire, et à l'intérieur, tout est à reprendre. Quoi. Voilà. Magnifique, très clair. Bon, maintenant on peut bosser. Pardon ? Je dis maintenant on peut travailler. Voilà. Alors, le fameux endroit où on peut monter, il est là. On pourrait monter depuis le bas. Ici, en fait, il y a un contrefort qui est naturel, c'est du rocher. Mais là, entre ce côté-là et ce côté-là, ici, on peut monter le long ici. C'est ce que j'ai fait déjà. Et j'ai commencé à mettre des fascines, des barres en travers, pour qu'on puisse s'approcher des parois et ne pas tomber. Parce que sans ça, on aurait tendance à tomber. Mais dis-moi, comme c'est laid, ces petites cabanes d'électricité, ou je ne sais pas ce que c'est, tout en bas. Ah bah ça, c'est le poste de relevage des eaux usées. Indispensable. Alors, de temps en temps, lorsque le vent vient de là, bah, on a quelques odeurs, mais c'est rare. C'est rare qu'on ait les odeurs de ce qui se passe en bas. Par contre, les gens qui passent à côté le savent. Ils savent que ce sont les eaux usées, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. On devrait peindre en vert, quelque chose comme ça. Il y aura des suggestions. En fait, là-dedans, dans l'aménagement, alors on va parler un petit peu... Là, en face, c'est super bien. On va parler un petit peu des parois. J'ai proposé dans la progression de passer l'année 2021 sur le champ de la terre, c'est-à-dire de parler un peu de notre plancher des vaches et de la roche que l'on a, des sols que l'on a et comment on va s'ancrer là-dedans. Il se trouve qu'on a eu, c'est Sylvie donc, qui m'a transmis le mail de la grande lessive qui est sur les jardins suspendus. On a vraiment un endroit qui est fantastique pour pouvoir suspendre des jardins, puisqu'on est au-dessus de la route, quasiment. Quand on regarde ici, là, cet endroit-là, il est quasiment au-dessus de la route. Là. Moi, quand je suis ici et que je me penche, en fait, je suis déjà sur de l'autre côté des voitures. Donc, on peut tomber. Et alors, tu veux faire ta grande lessive là ? Et alors là, à partir de là, on peut faire le long de la paroi... Ah oui, non, c'est pas... Vous me demandez si c'était pas une autre photo, mais en fait, non, c'est l'antenne de télé. C'est à fait. Voilà. Le long de ce haut de paroi, on peut pendre des choses. On a des suspentes qui peuvent être faites. Moi, la première chose que j'ai faite, c'est au printemps dernier, on s'est aperçu, c'est l'année où, en fait, l'année dernière, où j'ai joué du violoncelle dans le jardin, il y avait des pois de senteur. Il y avait un énorme massif de pois de senteur, dont j'ai fait les photos d'ailleurs, que j'ai mises sur le site. Et ces pois de senteur, en fait, après ça, je les ai répartis à l'intérieur de ces fascines qui sont là. Elles sont en pied, donc en fait, elles vont démarrer. C'est quelque chose qui est assez, qui prolifère assez, et qui donne de très belles fleurs violettes et blanches. Et plutôt que voir descendre uniquement des pendages de lierre, on peut imaginer des pendages de pois senteurs. Wow. Parce qu'en fait, ils étaient déjà là, sur le terrain, complètement à l'autre bout, côté Sylvie du jardin, et je les ai répartis le long. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait des choses qui poussent à ces endroits-là. Excellent. On va jouer sur la végétation là-dedans. Alors, il y a des endroits qui ne sont pas... si je viens en janvier, c'est justement pour un peu nettoyer ces parois et regarder un peu ce qu'il y a derrière. Comme tu disais, est-ce qu'il y a des endroits qui sont... dangereux, qui pourraient tomber éventuellement. Jusqu'à présent, ça n'est pas arrivé parce que, en fait, la végétation est suffisamment dynamique pour bloquer tout ça. Le seul problème, c'est lorsqu'elle est trop grande et que, par une prise au vent ou par coup de vent, tout d'un coup, pof, il y a un arbre qui tombe et qui emmène des choses avec lui. Alors, pour bien comprendre, matérialiser la grande lessive. Oui. C'est à cet endroit-là que tu voudrais la mettre ou sur le grillage au-dessus ? Alors, il y a... La partie grillage est très importante au niveau de la grande lessive, puisque les gens peuvent se promener tout le long du jardin, voir ce qui se passe en dessous, et éventuellement, comme le grillage n'est pas haut, éventuellement suspendre des choses. Alors, il y avait deux... Au niveau de la grande lessive, c'est là-haut que ça va se passer principalement, mais en bas, on aura des visions de choses qui sont suspendues. La grande lessive, normalement, c'est tout le monde qui participe, et donc les ateliers de participation vont se situer le long de ce mur. sur le grillage. J'en ai prévu trois. J'en ai imaginé trois. Et dont, avec à chaque fois un calico mentionnant l'atelier. Et à partir de cet atelier, en fait, différentes cordes ou ficelles qui sont tendues tout le long du en étoile à partir de cet atelier, sur lequel on peut accrocher des choses. Sur le grillage. On peut accrocher sur le grillage et on peut faire glisser le long des cordes qui vont aller jusque de l'autre côté de la première terrasse du jardin. Ah, ce serait perpendiculaire à la route alors. C'est ça. On a d'une part la possibilité d'accrocher sur le grillage et d'autre part la possibilité de faire glisser le long ici à partir d'un poteau qu'on aurait choisi. Je prends un poteau. Ah, on peut pas agrandir plus. Je prends un poteau ici et je tends une ficelle jusqu'à celui-là. D'accord. Ce qui fait que quelqu'un veut mettre. Moi, j'avais pensé mettre des choses qui réfléchissent. J'avais plein d'idées, mais mettre des nounours, des trucs comme ça. Il peut y avoir n'importe quoi suspendu, en fait. Donc, on peut accrocher au grillage ou on peut suspendre et faire glisser le long d'une ficelle. Et à partir, et en fait, d'un seul poteau... Comment tu accroches sur la ficelle, là, parce que... Avec un mousqueton ou avec comment on appelle ça, tu sais, les petits fils de fer qui servent à accrocher les arbustes. D'accord. Ou les sarments de vigne. Ouais, d'accord. Ce sont des trucs qui ne sont pas chers du tout. D'accord. Et donc, on peut suspendre des choses. Oui, mais c'est normalement éphémère. Techniquement parlant, il faut donc aller... Il y a deux endroits. Hein. Rappelle ce que tu viens de nous dire. Il y a d'une part le grillage, où là les choses sont simples, les gens sont dans la rue et plantent et accrochent leurs dessins ou autres photos. Ensuite, il y a sur un axe perpendiculaire qui partirait par exemple d'un des poteaux du grillage jusqu'à l'arbre où tu as ta souris là, pour l'instant, il y a quand même 2 mètres au moins, et il faut... Il y a au moins 5 mètres, au moins. 5 mètres, alors comment tu fais? Et tu ne vas pas envoyer les gamins que tu auras alertés au préalable, hein, parce qu'il faut parler, il y a toute une communication à mettre en place hein, pour la grande lessive. Comment ils vont pendre leur truc, quoi. Moi, ce que j'ai annoncé, parce qu'il faut s'inscrire pour la grande lessive, hein, j'ai annoncé en fait plus des participations d'adultes que des participations de gamins. Ah, d'accord. Et les adultes, tu vas les prendre où? Les adultes, ce sont déjà ceux qui sont sur place, qui seront invités à. D'accord. Donc, il faut faire une annonce dans la presse ou quelque part. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Alors, il y a Catherine Dallet qui était professeure au lycée agricole, qui ne l'est plus maintenant, qui est partie en retraite, mais qui m'a dit « Maintenant, j'ai plus de temps à me consacrer au Jardin Merveilleux et donc à la com, notamment sur Ouest France. » Donc, il y a déjà, clair. En fait, une bonne adresse. Quoi. Ça, c'est bien. Voilà, donc il faut réfléchir. Si tu veux, le Jardin Merveilleux, c'est une communication. Dans ce que j'en connais, et c'est pour ça que je vous ai envoyé à l'un comme à l'autre l'article de Catherine Puget, notre interlocutrice, avec qui on fait la grande lessive depuis maintenant 5 ans ou 6 ans. Quoi, hein. Mmh. Donc, elle organise ça. Elle est artiste peintre, elle. Alors, d'une part, elle expose, mais elle fait surtout exposer les enfants des écoles à qui elle donne des cours. Et les enfants des écoles viennent à tour de rôle avec leur école et leur maîtresse ou leur maître pour accrocher les trucs. Ça, c'est sympa, quoi. C'est vachement vivant, quoi. Mmh. Alors que la difficulté... de cette grande lessive, si tu ne sais pas bien comment les choses se passent, je pense que les adultes, ils ont intérêt à se préparer bien à l'avance, quoi. Oui, oui. Tu comprends? Oui. Voilà. Quoi dire d'autre? Alors, moi, j'avais prévu, en fait, trois ateliers. Il y a, au niveau des... Donc, trois calicots qui sont affichés sur le grillage. Un calicot qui est « Faire autrement ». Un autre calicot qui est « Penser autrement ». Et l'autre qui est « Vivre autrement ». D'accord. Pour donner une piste. D'accord. Et après, alors, ça sert à quoi, ça? Ça sert à donner, en fait, le thème... le thème sur lequel, en fait, on peut réfléchir et imaginer pour les œuvres qui vont être pendues. Le thème, c'est jardin suspendu. Oui, mais le jardin suspendu, il ne s'agit pas de créer, en fait, il s'agit d'aller plus loin que le fait de recréer des jardins suspendus tels qu'on les connaît déjà. D'accord. Là, c'est pour inviter à faire autrement. Et là-dedans, j'ai commencé à réfléchir avec Stéphane, là-dessus, et on peut continuer aussi ensemble sur... on a commencé, puisqu'on a eu, en fait, une conversation sur le jardin suspendu. Le premier thème, ça a été ça. Tout à fait. Et qui permet de dire, qu'est-ce que c'est qu'un jardin suspendu? Est-ce que c'est uniquement Babylone, ou est-ce que c'est les suspentes que l'on trouve chez les pépiniéristes, ou qu'est-ce que c'est? Et on avait pas mal réfléchi là-dessus. Quand même. Oui, oui, tout à fait. Mais explique-moi comment, le jour de la grande lessive, tu fais la connexion avec le jardin merveilleux. Comment, en matière de communication, tu fais passer tes messages pour être compris et dire, voilà, là, on va avoir un jardin merveilleux. Bon, alors, il faut peut-être... Je m'en remets à toi. Oui. Et moi, je vous écoute aussi. Hein. Enfin, y a imaginé. C'est en fait une vision du futur à laquelle on invite. Et c'est pas une vision de ce que l'on sait, c'est une vision de ce que l'on souhaiterait ou de ce que l'on peut imaginer, que ça soit d'ailleurs réalisable ou pas. Il y a des choses qui sont réalisables. Moi, j'ai commencé à collecter des choses que l'on peut mettre le long du grillage pour donner des idées. Dire, voilà, ça ne se fait jamais, mais ça pourrait être fait sur ce jardin. Ah, voilà. Alors, est-ce que ça voudrait dire que tu fais un appel à projet, hein? C'est comme ça que les artistes... Ah, c'est un peu ça, oui. Ouais. Un appel à idées, en gros. Ça... Ah, ouais, mais alors, attends, là, il faut le dire. Il faut bien l'expliquer, ça. Et les appels à idées chez les Bretons, c'est pas gagné. Hein. Je t'en parle parce qu'on s'est déjà essayé un petit peu là-dessus. Mais ça peut être une excellente idée. Appel à idées pour construire un jardin merveilleux, par exemple. Je finis la phrase, ça peut être ça. Ouais, alors ça c'est bien. Mais il faut commencer à entreprendre les gens et à les préparer. Pour qu'ils arrivent au jour J à l'heure dite pour suspendre leur projet. Oui. Ouais. De toute façon, un, ça se prépare. Deux, il y a des choses qui sont à faire et à afficher. Moi, j'y serai très probablement une semaine avant. D'accord. Pour pouvoir mettre déjà les choses en place. Quoi. D'accord. Ouais, mais ce qui veut dire, c'est qu'il faut que la presse alerte la population de Saint-Goustan. Ce qu'il faut que la... et même d'Auray. Ce qu'il faut, me semble-t-il, c'est que les grands thèmes que tu viens d'évoquer, les gens puissent commencer à travailler dessus de venir au jour J avec leurs idées et leurs projets et leurs souhaits, hein, puisque c'est une mobilisation de la population. Y a tout un travail de communication qui paraît très intéressant, mais qui demande un paquet de boulot, là. Hein. Bon, d'accord. Voilà pour ma part. Rodrigue, t'es toujours là? Oui, je vous écoute. Ouais, maintenant, il faut faire. Voilà. Donc, ça va être, c'est l'objet des réflexions. Moi j'ai beaucoup réfléchi justement sur ces questions de porte et de source, mais et ça continue toujours. Hein, c'est vivant, quoi. Il y a rien d'arrêté là-dessus. Et je vais continuer sur place à découvrir un peu les choses qui peuvent se faire. Parce que à distance, ça a une limite quand même. C'est pour ça que je t'ai envoyé des photos. Oui, les photos, ça a aussi une limite. Ça aussi, c'est limite, tout à fait. Oui. Bon, alors, Rodrigue, à toi. Non, je suis. On n'est pas encore rentré vraiment en matière au sujet de la porte, de la source et des suspensions, n'est-ce pas? Mais pour moi, c'est un peu, comme je n'ai encore jamais été dans ce lieu, c'était un peu difficile. Alors, je suis resté un peu théorique dans mon approche. Et c'est pour ça que je voulais que tu aies des photos pour bien te rendre compte. Ou des... Alors, je ne peux pas te dire comme j'apprécie, même si j'ai déjà vu pas mal de photos, mais ce n'est pas encore 100% la même chose, mais ça aide beaucoup, j'avoue. Bien sûr. Et ces photos-là qu'on vient de voir sont, depuis de chez toi, Claude, sont magnifiques, puisque ça donne une vue d'ensemble, mais c'est presque la plus belle photo, je trouve. Bon. Et ben maintenant, c'est une photo d'ensemble, c'est ça. Ben oui. C'est mieux que Google Earth. Hein, c'est... Je peux vous dire un petit peu ce que j'avais en tête, mais c'est très théorique. C'est peut-être pas utilisable, mais je suis revenu sur l'interpellation. Quand on veut interpeller, l'entrée doit intriguer et ne doit pas tout montrer. Puisque qu'est-ce qu'il faut montrer? Il n'y a pas grand-chose à montrer, c'est les gens doivent découvrir. Eux-mêmes qui y sont, comme a très bien dit Claude. Donc c'est un chemin. Mais quand il y a une entrée quelque part, je suis un peu un romantique, je m'en excuse, mais ce que j'aime beaucoup, c'est une jolie grille, pas neuve, mais un peu ancien, qu'on peut peut-être trouver quelque part, qui fait rêver. Donc un chemin un peu creux, comme ça, où il y a de la mousse qui pousse sur les bords et qui fait un tournant, par exemple, à gauche, quand on part depuis tout en bas, et en ne voyant pas où on va. Et c'est ça qui intrigue. Les gens qui viennent là se disent, mais il y a une entrée, mais où est-ce que ça va? Et on pourrait juste ajouter un petit panneau qui poursuit le chemin, mais que les gens peuvent lire, qui indique quelque chose qui les interpelle davantage, en fait. Sans vouloir créer quelque chose encore au centre du jardin, mais cette entrée qui tourne un peu à gauche, et derrière les buissons, en ne voyant pas où est-ce que ça mène, j'aime bien ce côté interpellation qui intrigue et qui fait que les gens commencent déjà à se poser des questions. Et puis la même chose pour l'euro. Une entrée quelque part au bord de la rue Neuve qui, j'ai beaucoup réfléchi, mais je ne sais pas si on arrive depuis la route du haut, si on peut voir le jardin aussi, les plantes sont trop hautes pour ça, pour pouvoir voir qu'elle est dans le jardin. Dans la route du haut, de la route du haut, tu peux voir le jardin. Tu vas le surplomber, si tu veux. Et tu vois une première partie du jardin. Hein, c'est un peu une sorte de restanque. Et sous cette restanque, sous cette suspension, comme nous suggère Philippe, tu as cette fameuse grotte avec la source qui est juste à côté. Voilà comment les choses se passent, si tu veux. Mais tu as des niveaux où tu ne vois pas forcément ce qu'il y a en dessous, quoi. Mais le jardin lui-même, proprement dit, là, tu le vois bien, celui-là. Ce que j'aime bien, c'est que quand on part du haut, on ne voit pas ce qu'il y a derrière, et quand on regarde depuis en bas, on ne voit pas ce qu'il y a du haut. Il y a un côté inconnu dans ce jardin, et supposons qu'on fait une entrée sur le haut, une entrée de nouveau, une grille ou quelque chose comme ça, avec tout près de la boîte aux lettres, j'en sais rien, où le chemin entre dans le jardin, les gens peuvent voir ça depuis la haie, et ensuite, le petit chemin fait un contour derrière un gros buisson, et on ne sait de nouveau pas où ça mène. Enfin, ça mènerait à la grotte ou par là environ. Mais j'aime beaucoup ce côté symbolique d'un chemin qui est beau, avec des plantes ou même des grandes fougères à la limite qui font rêver, et qui mène on ne sait pas où. Et en fait, on n'a pas du tout de remplir, de faire un objectif. On peut arriver près de la grotte, pour ceux qui persistent, ils veulent voir où ça mène. On peut très bien arriver à un lieu où il y a de l'eau qui sort, avec un beau plateau pour les oiseaux à côté, j'en sais rien. Mais ça, c'est mon côté rêveur qui fait que si moi je verrais cela, avec de nouveau un ou deux petits panneaux, une boîte aux lettres avec le jardin merveilleux, ça intrigue déjà beaucoup. Mais ensuite, un panneau qui indique découvre le jardin merveilleux pour toi. Enfin, quand on lit ça, et puis ensuite on voit pas où le chemin va. Mais ce sont des réflexions probablement complètement à côté de la plaque parce que j'avais pas encore vu le jardin. Mais c'est ça qui me fait toujours rêver. C'est ce côté un peu sinon romantique, de beauté de la flore et de qui mène. Et on ne sait pas où ça mène. Il doit y avoir quelque chose de secret, de caché. N'est-ce pas? Si on voit tout en un coup, on a tout de suite tout vu, on voit qu'il n'y a pas ce qu'on cherche. Ou... Mais le côté un peu caché, comme ça, ça m'intrigue. C'est juste le concept de l'entrée depuis le bas et depuis le haut vers le jardin. Pour le reste, au niveau de la source, ça me parlerait beaucoup qu'il y a un lieu où des oiseaux peuvent s'abreuver, qui peuvent venir boire, surtout en été, même s'il y a beaucoup d'eau à Auré. Mais c'est très beau de voir, c'est symbolique aussi, de voir les pigeons qui s'envolent, ou je ne sais pas quel oiseau. Des mouettes, ce serait un peu moins drôle, ça sent mauvais et tout ça. Mais disons, ça fait quelque chose de très vivant s'il y a des oiseaux. Ça, c'est juste au niveau de la source. Mais aussi la possibilité pour les humains de boire. Je ne sais pas si l'eau est potable, certainement qu'elle est potable, mais... Et pour des raisons pratiques, ce serait peut-être bien d'avoir un tonneau en bois, ça se trouve facilement ici en Suisse, qu'on pourrait remplir systématiquement durant l'été, pour que si on veut arroser le moment venu certaines plantes, on aurait un petit réservoir, et on n'a pas besoin d'attendre une éternité jusqu'à ce que l'arrosoir est rempli. Donc, une entrée qui intrigue, un petit panneau avec au maximum deux, avec des phrases très courtes, très simples. Et ensuite, en ne voyant pas où ça mène, de faire un jardin caché. Le but, ce n'est pas de faire un jardin caché, puisque le jardin doit être transparent. Mais c'est quand on est petit, il y a aussi ce... Il y a des récits sur le jardin caché, comme ça, qui interpelle, qui intrigue, des vieilles portes dans des murs élevés, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est le côté enfant en moi qui me... Mais bon, je vous dis ça juste comme ça, c'est peut-être pas du tout pratique, est-ce que vous avez en vue. On peut faire toute autre chose. Mais c'est une piste. Au sujet des suspensions, je ne peux pas encore dire ici. Je trouve que c'est le côté le plus difficile. J'ai de la peine encore. Je dois encore réfléchir. Je suis beaucoup plus curieux dans vos idées. Ben c'est bien tout ça. Tu sais, en t'écoutant, je me souviens de ta première intervention dans un questionnaire numéro 1 ou numéro 2 de Philippe, et dans lequel tu nous disais, voilà, moi, je vois une entrée et on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière. Et une entrée qui va suggérer un questionnement et tout va être à découvrir dans ce merveilleux. C'est bien, c'est bien. Ouais, je te reconnais bien, là. Bon, alors, pour ma part, je me permets d'enchaîner, Philippe, ça va ? Oui, oui, oui. Pour ma part, j'étais un petit peu... un peu gêné avant de commencer à travailler. Pourquoi ça ? Ben parce que, pour moi, la porte en bas, c'est moins évident que la porte en haut. La source, bon, ça c'est une chose qui est assez claire, et puis le, comment dirais-je, les suspensions là, qu'on vient d'évoquer, la grande lessive, et la grande lessive, oui, moi, ça c'est clair, je la vois, moi, le long de la grille, bien. Ça m'a fait du bien, Philippe, de t'entendre et de t'écouter sur le positionnement de tes portes ou de ta porte en bas, parce que en voyant les photos, après, j'ai mieux compris comment les choses peuvent se passer, si tu veux. Et là, je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant où on va, à travers cette porte, aiguiser la curiosité du passant, du quidam qui va passer là. Sachant qu'il y a quand même une réflexion à avoir, les gens du pays, ils passent en haut. Et les touristes, ils passent en bas. Ou ils vont garer leur voiture, d'ailleurs. Voilà. Donc, la porte, bah, et les photos en attestent bien, il va falloir qu'elle soit... bien dégagé et que tu aies langue avec les autorités pour que bah, ils se mettent pas devant ton entrée. Hein, Philippe ? Oui. D'accord. Alors, fort de ces réflexions, moi, j'ai travaillé sur le symbolisme de la porte. C'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Et ce symbolisme de la porte, bah, comment l'interpréter ? Que représente la porte et le passage dans les différentes traditions spirituelles, ésotériques et religieuses? La porte symbolise un point de passage mystérieux entre deux mondes, entre deux états, l'inconnu et l'autre inconnu. Pousser la porte, c'est quitter le connu pour aller vers l'inconnu. Le profane, vers le sacré, quitter le matériel pour aller vers le spirituel, le terrestre pour le céleste, ou encore les ténèbres pour la lumière. Voilà, une porte, c'est tout ça, hein, pour moi. La porte symbolise également l'ouverture de sa propre conscience. Et parfois, le chemin spirituel comporte des portes et des paliers successifs, chacun correspondant à un niveau de compréhension différent. On voit donc que le symbolisme de la porte est riche et parfois ambigu. Il est souvent difficile d'accéder à la porte et de l'ouvrir. La porte est souvent gardée afin d'en protéger l'accès à ceux qui n'en sont pas dignes. Dans la mythologie égyptienne, les sphinx gardent les voies d'entrée au temple. Dans la mythologie grecque, Cerbère est le chien à trois têtes qui garde l'entrée des enfers, empêchant les morts de s'enfuir et les vivants de les recueillir. Dans le christianisme, des chérubins armés de glaives tournoyants, empêchent Adam et Ève de regagner le jardin d'Éden. Pour Jésus, au contraire, la porte du royaume de Dieu n'est pas gardée. Chacun peut y accéder pour peu qu'il accepte de se fondre dans l'amour et le pardon. En conclusion, sur le symbolisme de la porte, c'est un passage décisif, une promesse de cette nouvelle Jérusalem, une renaissance. La porte invite à renoncer à une partie de soi-même pour rentrer dans une nouvelle ère. Elle est donc renonciation. Il s'agira de se mettre en question. La porte agit comme un miroir sur soi-même. Elle opère une transformation intime. Elle nous amène à nous dépouiller et à retrouver notre authenticité primordiale en mourant à ses illusions. C'est donc un chemin qui recule autant qu'il avance. La porte est autant celle du progrès que du retour, autant celle de la vie que de la mort, et de la mort de notre ancien moi. La porte annonce un rendez-vous avec soi-même. Beaucoup de portes peuvent être franchies au cours d'une vie et de manière plus ou moins douloureuse. Refuser d'ouvrir la porte, c'est renoncer à ouvrir les yeux par peur, orgueil ou attachement. Le gardien n'est autre que nous-mêmes. Il ne s'incline que devant le pur élan de notre cœur. Accepter d'ouvrir la porte, c'est lâcher prise, c'est s'élancer vers l'inconnu, c'est plonger en soi pour accepter de se connaître vraiment. C'est trouver sa démesure, entrevoir la vérité, s'avancer tout près de l'arbre de vie. On n'en parle plus de l'arbre de vie, mais il est pourtant là. Accepter le changement, accepter les ténèbres et de passer des ténèbres à la lumière. Et sur la porte, moi je verrais bien le tableau de Jean-Marc Simon, vous savez, cet auteur qui nous a fait un joli tableau, et au-dessus de ce tableau, je verrais bien la maxime, qui a un peu évolué depuis la dernière fois, « Entrez ici et vous découvrirez le merveilleux ». Voilà, c'est un appel à franchir la porte et à venir nous rejoindre dans le merveilleux. Voilà comment je vois, alors je suis, comme le disait notre ami Rodrigue, je suis très théorique, mais bon, comme je ne savais pas bien où elle était, la porte, je serai un petit peu plus précis la prochaine fois. Voilà. Je n'ai pas travaillé sur la source. On peut dire des tas de choses sur les sources, mais je n'ai pas travaillé dessus. Et quant à la grande lessive, ben, je pense qu'on en a assez parlé et que les choses peuvent avancer de la façon qu'on vient de dire. Voilà, j'en ai terminé. Bien, alors, moi, ce que j'entends dans tout ça, c'est qu'il y a des choses qui se rejoignent dans les réflexions que j'ai faites déjà depuis quelques mois et que j'avais mises sur Dropbox Paper. Alors, on va revenir là-dessus. Ça, c'est ça. Je vais retrouver sur le Dropbox Paper. Voilà. Dans Dropbox Paper, il y a un dossier qui s'appelle Discussion, réflexion, méditation. Que j'ouvre. Alors, j'ai vérifié, hein, vous y avez accès normalement. J'ai vu que il y a une semaine, il y a 8 jours, voilà, Claude y est allé. Par contre, je n'ai pas vu Rodrigue dessus. Partage-le là, si tu... Oui, je le partage. Alors, allons-y. Hop. Skype. Il y a tellement de choses ouvertes que... Alors, partager l'écran, je veux... Discussion, réflexion. Démarrer. Ah oui, c'est là où tu as repris tous les thèmes qu'on avait déjà évoqués. Voilà. Et donc, sur ce truc-là, qui peut vous servir de, je dirais, de référence, mais aussi d'endroit à écrire, hein. Dedans, là, j'ai mis voilà, les thèmes abordés, et avec dessus des échéances, à chaque fois, qui correspondent en fait à la date. Est-ce que c'est une date passée, ou est-ce que c'est... voilà, aujourd'hui, ici, c'est aujourd'hui, et puis le prochain, en fait, ça va être marqué dans 8 jours. Ça permet d'avoir le calendrier en même temps. D'accord. Ben ça, tu peux peut-être le coupler avec le podcast. Oui, c'est-à-dire de mettre des podcasts dessus. Je ne sais pas. Question. Ouais, si on met des podcasts... Là, en fait, je vous présente un peu la chose. C'est parce que, en fait, ce que vous avez dit rentre tout à fait dans les visions que j'avais eues, en fait, fin de l'été. Ouais, j'avais eu quelques visions de nuit, hein, quand je mettais Jardin merveilleux, temple d'un nouveau type. La porte unique est à double entrée, on peut y lire sur le fronton, franchis-moi et trouve l'espérance. Dans ce jardin, chacun y a trouvé sa place, sa forme, son développement. Et la couleur des contacts entre les hommes est à l'image de ceux que la faune et la flore tissent en bordure de chaque placette. Voilà. Là, c'est quelque chose à lire, je ne voudrais pas non plus trop. C'est assez long. D'accord. C'est ouais. À réfléchir. Je l'avais lu, ça, l'autre jour. Pardon ? Je l'ai lu, ton propos. Oui. Il y avait des choses intéressantes. De même que j'ai vu que sur chacun, ouais, je reviens un peu, peut-être que mettre le podcast là, c'est un peu trop tôt, mais j'ai vu que, ah ben voilà, les éléments forts de la discussion, ça j'avais trouvé ça très intéressant, parce que tu avais repris de façon très synthétique le, comment dirais-je, ce qu'on s'était dit, et ça c'est bien, et peut-être que je peux le mettre sur le podcast. Il faut que je réfléchisse à ça. Mettre quoi sur le podcast ? Eh bien, ce que tu viens de nous montrer. Résumé, là ? Oui, ces petits résumés. C'est bien, quand tu fais un podcast, de savoir, bon, tu as un titre, ça va être le jardin suspendu, mais d'avoir 3 lignes derrière pour dire, bon, le jardin suspendu, voilà ce qu'on s'est dit, etc., etc. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu en penses ? Un peu comme ce qu'on a sur les disques avec le résumé, qu'est-ce qu'il y a dessus, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Tu serais d'accord pour qu'on fasse ça ? Parce que moi, j'avais trouvé tes interventions très bien, parce que ça résumait bien ce qu'on se dit. Et celui qui veut aller plus loin, pof, il a le podcast pour aller plus loin. Bon, mais il y a quand même une chose qui m'arrête un tout petit peu, c'est que dans nos podcasts, on est parfois très personnel et ça... Oui. Il faut faire attention, quoi, à qui tu le diffuses. Oui. Moi aussi, je pense que c'est pas à mettre comme ça. Enfin, de toute façon, là, c'est Dropbox Paper, c'est-à-dire qu'il n'y a que les vraiment les mordus, voilà, qui y ont accès. Voilà. Par contre, sur le site, non, on ne met pas les podcasts sur le site. Non. Mais alors, tu serais d'avis pour qu'on les mette sur Dropbox ? Alors, moi, je suis pas opposé, mais je pense que c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, d'accord. Okay. C'est un peu tôt. D'accord, ok. C'est à réfléchir. Là, c'est une proposition, mais pas de précipitation. Tout à fait. Juste, en fait, c'était surtout pour vous mentionner que dans les visions que j'avais eues, en fait, je retrouve vos propos que vous avez là. Et il y a une chose qui m'a beaucoup interpellé et qui revient un petit peu à toi, qui va peut-être te faire sourire d'ailleurs, Claude, là-dessus. C'était, alors je vais vous montrer un peu le texte, mais je souhaiterais que... Alors c'est pas celui-là. Où est-ce que c'est ça ? C'est bien, non ? C'est ici, affichage, corde à linge. Je vais écarter un peu pour que vous voyez. Voilà. Alors, c'est un peu long. Un peu long. C'est pour ça que c'est mieux à lire. Alors, peut-être que vous avez entendu parler de Ish et Isha. C'est en fait le nom d'Adam. Ish étant la partie masculine et Isha la partie féminine. Alors, je reviens et je vais juste vous introduire la chose pour que, ça, j'espère que ça va vous donner envie d'aller plus loin. Ah. Alors, j'étais, je vais pas tout dire, mais je vais vous faire un peu le résumé de ça. 29, je vous ai parlé du 29. Oui. Le 29, il n'y a pas de numéro 29, mais par contre, ça m'étonnerait beaucoup que le service de l'urbanisme autorise un numéro 29 entre le 28 et le 30, sachant qu'on est du côté père. Donc, on contourne l'affaire en disant qu'on va faire une porte qui a la forme de 9. Rue Neuve, quai 9. 2, 9. On ne dira pas 29, mais on peut écrire 2, 9. Et on peut écrire ça sous forme en latin. Alors, je vais vous mettre un peu plus gros. Hop. Moi, je ne vois rien. En latin, tu vois rien ? Je suis toujours sur la nuit du 4 au 5 septembre 2020. Ah, tiens. Alors, attends. Je reviens sur Skype. Changer d'écran ou de fenêtre. Je veux celui-là. Crac. Est-ce que c'est mieux, ça ? Ouais. C'est mieux, c'est mieux. Vous avez le texte ? Oui, on a du texte. Voilà, c'est du texte. Alors, là, vous avez au-dessus, vous avez le truc en latin, 29 s'écrit XX1X. Oui. Ça vous dit quelque chose, ça ? Oui, tout bon. À fait. Voilà, 29. Or, XX, c'est la femme. Et YX, c'est l'homme. Ce qui fait qu'on a, en fait, dans cette écriture, l'homme et la femme. C'est génial. C'est marrant, hein ? Ouais, c'est bien, ça. Et l'homme et la femme, en fait, la forme des chromosomes, c'est une croix, avec quatre bras. Les deux bras du dessous étant repliés sur eux-mêmes pour le Y. Bon. Là, je suis allé sur Internet pour voir une conférence là-dessus, pour voir ce... Et cette dualité, en fait, elle interpelle quand elle est posée d'entrée. Et c'est tout un débat qui a déjà eu lieu et qui continue d'avoir lieu entre les rabbins, enfin, dans toutes les religions. Le fameux Genèse 5, là, il fit l'homme et la femme, il créa homme et femme. Ouais, en fait, Adam, c'est homme et femme. Oui, d'accord. Et là, on rentre purement et simplement dans la Kabbale. Non. Ah si. Non, puisque en fait, non, parce que là, c'est la porte. Oui. C'est-à-dire que la porte doit intriguer. Elle intrigue déjà par le sens qu'elle a. Mais là, c'est la porte, d'accord. Mais l'arbre séphirotique, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je crois qu'il faudrait bien expliquer tout ça. Mais l'arbre séphirotique, c'est plein de portes. Et on retrouve, si tu veux, ça me fait penser à ce que tu évoques là. On le retrouve déjà, d'accord ? Ok, mais c'est intéressant. Mais c'est un peu tarabiscoté, quoi. Comme les trucs des kabbalistes, il faut vachement expliquer tout ça. Il faut interpeller. Moi, je suis... il faut expliquer. Par exemple, le premier niveau, on est entre le 28 et le 30. Hein. Le 29 n'existe pas et n'existera pas. Hein. Mais le 2-9 peut exister. On ne va pas nous empêcher de faire des arbres qui ont cette forme-là. Ah, d'accord. Tu vois, de faire quelque chose qui n'est pas 29 adresses postales, mais qui peut être lu comme un 29, mais lu aussi comme autre chose. C'est une invitation, c'est une interpellation. D'accord. Alors. C'est un peu cette interpellation que j'ai cherchée. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a un sens au fait que entre 28 et 30, il n'y a pas le 29, et on est justement entre les deux. Voilà. Il y a quand même une autre réflexion que je me pose en t'écoutant, c'est que puisqu'il n'y aura jamais de 29, et que tu fais, est-ce que tu as le droit, statutairement parlant, de faire une entrée au numéro supposé 29? Est-ce que la mairie peut t'autoriser cette deuxième porte? Tout à fait. Alors, moi, j'habite actuellement à Strasbourg, au 3 quai Scheufflin. Or, derrière, on a la rue du Fort, avec aussi une entrée. Ouais. Eh bien, cette entrée, derrière, s'appelle 3 quai Scheufflin, alors qu'on est dans la rue du Fort. Ouais. C'est assez marrant. Ouais. Pourquoi ? Parce que, en fait, à un immeuble, il y a une adresse. Voilà. Donc, en fait, on reste sur le 13 rue Neuve, et c'est aussi le 13 rue Neuve qui est en bas, mais en fait, comme la boîte aux lettres est en haut, on n'a pas besoin de mettre 13 rue Neuve en bas. Par contre, c'est aussi, voilà. Ouais. Ouais. C'est assez marrant. En fait, je rentre, c'était un peu l'objet de rentrer dans cette année sur le champ de la terre en parlant des parois. Quand je disais que les parois verticales, elles ne sont pas fiscalisées. Elles ne sont pas décomptées. Elles n'intéressent pas. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut dessus. Elles n'intéressent pas. Il n'y a pas de fric là-dessus. Il n'y a rien à gagner. Et bien là, c'est pareil. Tu joues, en fait, on va jouer sur des trous administratifs et des trous fiscaux qui vont faire que rien que ça va faire des interpellations. Ouais, mais n'oublie pas une chose, c'est que les gens qui passent en bas, c'est plutôt des touristes ou des étrangers, alors que les vrais habitants qui peuvent s'interpeller, ils passent pas en bas, ils passent en haut. Oui, mais il faut interpeller aussi les touristes qui sont en bas. Eh ben voilà. Et on en avait déjà parlé de ça. Hein. Oui, c'est-à-dire oui, que, tout à fait. Et dans la vision, c'était ça, c'était quelqu'un. Administrativement et politiquement, ils n'arriveront jamais à libérer le quai neuf de ces bagnoles. Donc, en fait, il faut jouer sur l'intérêt des touristes à ne pas mettre de voiture devant. Et comment jouer là-dessus, si ce n'est qu'en faisant quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui va dire de façon implicite non. Ne mettez pas la voiture là. Ouais, voilà. Là, il y a du boulot, hein, parce que quand je vois le nombre de gens qui préservent leur entrée pour que les touristes ne se mettent pas devant, bah, tu sais... Ça m'a fait penser à des endroits où... Bah, je pense que Rodrigue y connaît, hein, les endroits où c'est marqué « Attention, chute de pierre ». On aurait pu mettre ça aussi. Hein. Ouais. Ça, du coup, les gens ne stationnent pas, mais on ne va pas mettre ça. On va faire ça de façon positive et non pas de façon négative. Oh, d'accord. Et alors, en fin de compte, qu'est-ce que tu mettrais sur ton fronton de porte? Le fronton. Toi, tu as déjà fait une proposition. Oui. Pour l'instant, mon fronton, il est végétal. Alors, tu vois... D'accord. Il interpelle par le fait que c'est une porte végétale et qu'elle a une forme particulière. Et vous verrez dans le reste du texte que j'ai cherché justement les formes dans les écritures hébraïques et les écritures arabes. Il y a des possibilités. D'accord. Ish et Isha. Par exemple, il y a... attention, ça fait mal aux yeux parce que ça passe vite. Voilà, ça c'est l'écriture hébraïque. Ouais. Alors ça se lit de droite à gauche. Hein. Ouais. Ish et Isha. Ouais. En fait, c'est Ish et Chat. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, ce texte-là, il est où pour l'instant? Il est sur ton ordi. Voilà. Alors, c'est ce que je propose de vous faire et de vous envoyer. J'aurais bien aimé y mettre, puisque c'est toujours le même dossier, c'est où on échange tout. J'aurais bien aimé que tu puisses m'envoyer ton texte pour le mettre dessus aussi. Parce que tu l'as fait, ton texte. De quoi tu parles? De mes portes, de ma porte? Celui que t'as, oui, sur la porte, là, que tu viens de dire. Ouais, d'accord. Ouais. Pas de souci. Si tu l'envoies, je le mets dessus, et ouais. Du coup, je vous envoie le dossier. D'accord. Et tu le mettrais sur, comment dirais-je, sur Dropbox? Non, je vous l'envoie d'abord. D'accord, ok. Pour que vous ayez la possibilité de le lire et d'y apporter éventuellement des compléments, parce que dedans, il y a les fameuses notes que je prends aussi à la volée, qui sont incomplètes, enfin bref, c'est plutôt entre nous. Après ça, on peut choisir ce que l'on va mettre sur Dropbox, ouvrir un peu plus les autres. Bien sûr, pas de problème. Dis-moi, est-ce que ça ne peut pas faire l'objet d'un travail, ça, Ish et Isha? Mais là, j'en ai déjà 3 pages. Hein. Oui, justement. Où est-ce que tu as pris tout ça? Ah bah ça, je travaille Bible en main, j'ai étudié aussi le grec, alors j'ai la Bible grecque, d'accord. Là-dedans. Et puis pour l'hébreu, en fait, je sais que j'ai quelque part ici, mon père qui était pasteur a travaillé l'hébreu, il a une Bible de quelque part, il faut que je la retrouve. Là-dedans, mais je suis allé un peu sur les sites internet, les sites où il y a des homélies et des discours là-dessus, et en fait, vous avez 2 extraits de discours que je vous ai mis en gris, justement, sur ce document. D'accord. Qui donne des idées. D'accord. Il y a beaucoup de textes qui sont sortis lorsqu'il y a eu le problème de la théorie du genre. Et là, l'homme et la femme, ils ont pris leur dimension. D'accord. Okay. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été échangées, et notamment des réflexions mentionnant que sur les anciens textes, il n'y a aucune raison de s'écharper là-dessus. Quoi. Voilà. Oui, du coup, ça donne beaucoup de grains à moudre. D'accord, ok. Et tu vois, quand on regarde Ish et Isha, tu vois le « ch » qui est là, en faire des arbres, c'est facile. Ça mène toute une forêt, là. Ah oui, là, il y a une forêt, là. Tout à fait. Bon. Ça interpellera, en fait, à voir. Allez. C'est pas gagné, hein. C'est quand même la porte en bas, c'est une porte d'élévation. C'est une porte pour rentrer vers l'inconnu, mais aussi pour s'élever. Tout à fait. Donc, quand tu as des signes, toi aussi, toi qui as fait de l'histoire et finalement un peu l'archéologie là-dedans, les signes kabbalistiques qui sont inscrits sur les frontons des portes ou sur les arcs ou sur les runes, les choses comme ça, ça interpelle. Ça interpelle pas mal de choses. Ben là, ça peut interpeller de façon végétale. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Rodrigue, de tout ça? Je trouve très intéressant d'un côté, et de l'autre côté, j'ai un petit peu le sentiment qu'on dévie du chemin, comment dire. Ah. C'est très bien, ces détails, et c'est très intéressant, c'est très beau. Mais tu te reconnais pas là? Je ne me reconnais pas tout à fait, non. Dans le sens que c'est très beau de creuser et d'aller profond dans les détails et de faire des analyses de ce genre, mais ce qui me manque un petit peu, c'est que, n'est-ce pas, chacun a reçu du Seigneur des talents et des dons. Et discuter et théorétiser sur ce genre de choses, c'est très intéressant, mais c'est pas assez efficace, à mon avis. Quand on a reçu des talents et des dons, il y a une action de servir et comment dire, Jésus invite ses disciples à être des serviteurs plutôt que des maîtres qui discutent ou ce genre de choses. La grandeur est dans le service et non dans la théorisation des choses, même si c'est très intéressant. Alors je suis un petit peu... Voilà, je trouve que c'est intéressant, mais ça, je vous suivrai, aucun problème, mais c'est pas l'essentiel qui, à mon avis, qu'on touche ici. De toute façon, j'ai un problème avec le fait qu'on a reçu les talents et les dons et qu'on fait quelque chose pour... qu'est-ce qu'on fait avec ces dons, ces talents? On attire des autres pour qu'ils s'interpellent, mais... Enfin, voilà, je ne suis pas sûr que c'est entièrement le bon chemin. Et, si on et faire purement les choses physiques, au niveau des terrains, les fleurs, les rochers, tout ça, c'est un moyen, mais il faut avoir un but plutôt proactif, je dirais. Je vais essayer de mettre ça sur papier et je vous l'envoie, si vous êtes d'accord. Alors, tu sais ce qui serait bien, effectivement, c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai posé la question, l'approche que propose Philippe est une approche un peu spéciale. Voilà, bon. Et pour y avoir travaillé en son temps dans divers endroits, je sais que la chose est vraiment très ardue. Et on n'a pas la tête à ça. On n'est pas fait comme ça, nous. Hein. Et donc, la Torah, parce que tu as beaucoup de choses qui sont tirées de là, la Torah a une approche bien différente de nous, ce que nous sommes, nous, chrétiens, et beaucoup plus terre-à-terre. Donc, à mon sens, moi, ce qui serait peut-être intéressant à faire, c'est que... Philippe nous envoie son texte, on le regarde, on en retire on voit ce qu'on peut en retirer, quoi. Et ça peut même être intéressant de nous faire une bonne discussion de notre prochain, voir ce qu'on peut en tirer, voir comment on réagit par rapport à ça, parce que effectivement, si tu te souviens, Rodrigue, tout à l'heure, j'ai dit à Philippe, et attention, comment le Kidam qui passe devant tout ça va décoder cette affaire, parce que c'est pas simple. Bon. Donc, moi, je suis d'avis qu'on travaille le texte de Philippe, on regarde un petit peu ce qu'on peut en penser, on regarde quelle est notre sensibilité par rapport à ça, et on en rediscute la prochaine fois. Je ne sais pas si vous voyez ça, ça te dirait, Rodrigue, de voir ça comme ça? Tout à fait d'accord, tout à fait ouvert, et évidemment, on est là pour se compléter, on n'est pas là pour sur un chemin, chacun a ses dons, ses talents, pour revenir à ce que je disais. Ouais, c'est ça. Donc, je reste très ouvert et je trouve que c'est intéressant. Et c'est. Il me faut réfléchir. Et je suis très curieux de dire ce que tu vas faire, Philippe, ce que tu vas mettre sur papier. Maintenant, j'ai quand même un petit problème avec Dropbox, puisque jusqu'à un certain temps, je recevais des messages, mais je ne reçois plus de messages. Alors, non plus, t'inquiète pas. Mais c'est un autre, c'est comme avec l'autre personne. Il me faudrait juste, comme je ne suis pas très habitué avec Dropbox, retrouver le texte que tu avais déjà publié. Mais ça, c'est un petit problème technique. Je peux le reprendre et le mettre en rappel dans le dossier que je vais vous envoyer. Ah oui, comme ça. Ouais, j'aurai les deux bien, comme ça. Ça serait bien. Mais je rappelle quand même une chose. Je crois qu'il faut qu'on s'accroche plus facilement à une symbolique plus facile d'accès. Un symbole, ça parle à tout le monde. Si on a une symbolique plus facile d'accès, mieux on va être compris et plus le jardin deviendra merveilleux et accessible à qui veut y rentrer. Je pense que... voilà un petit peu comment je sens les choses. Quelle mission on se donne? Est-ce qu'on veut faire rentrer des gens dans ce jardin merveilleux, eh bien pour les mettre, les amener à réfléchir et à conquérir leur propre merveilleux individuellement? C'est pour ça que je pense qu'en travaillant sur la perspective que va nous envoyer Philippe, on va toucher à d'autres choses et peut-être que ça va nous donner un autre tremplin, mais il faut qu'on y aille ensemble. Et ça c'est un élément important. Moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. J'ai trouvé en fait qu'on travaille en complémentaire, justement, et que les propositions que vous avez, et l'un et l'autre, sont tout à fait compatibles avec ce que je propose. Sauf que, en fait, je suis rentré dans un fond qui m'a mené assez loin, quoi, là-dedans. Voilà. Qui va chercher loin. Mais en fait, sur le terrain, ce qui va interpeller doit être accessible à n'importe qui passe. Donc, Mais par contre, celui qui veut rentrer dedans, vous verrez que dans la petite vision que j'avais, les gens peuvent venir, mais peuvent aussi revenir. Et en fait, quand ils reviennent, ils ne trouvent pas le même parcours que ce qu'ils ont fait la première fois, parce qu'entre-temps, ils ont évolué. Et ils vont voir les choses avec un autre œil, une autre approche. Tout à fait, tout à fait. C'est très vrai. Ouais. C'est magnifique. Ouais. On fait comme ça. Bon, alors... On choisit la date ? Oui, justement. Alors, on choisit la date. Je pense qu'au mois de janvier, je vais vous ennuyer parce que le jeudi va... À moins de décalage. Bon, la semaine prochaine, on peut savoir ? La semaine prochaine ? Jeudi 14, c'est bien ? Moi, je serai en déplacement. Je m'en vais sur Paris pour voir mes beaux-parents. D'accord. 3 heures, je serai dans le train. D'accord. OK. Le vendredi ? Le vendredi, pour moi, c'est difficile. C'est difficile, d'accord. On va me tirer une dent, alors c'est pas le meilleur moment. Non. Alors, si on a, parce que tout dépend, on pourrait peut-être se voir le mardi 12, et oui. Se voir le mardi 12, juste pour donner un ressenti sur le texte de Philippe, voilà, une première approche, et voir un petit peu... ce qu'on peut faire de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait d'accord. Moi, ça me va. De 12 à 15 heures, c'est bon? 12, 15 heures. OK. Donc, Philippe, tu nous envoies ton texte, on regarde un petit peu ça, et puis on te fait un retour, quoi, parce que c'est un peu ça, quoi. Hein, on fait un retour de façon à voir un petit peu comment on peut... inclure cette démarche. Hein ? Cette démarche. Voilà. Excellent. Bon, eh ben, on a... Ça va très bien. Après, et la semaine après, en fait, je serai sur place. Donc, je serai là du 18 au 25 à Auray. Ouais, d'accord. OK. Bon. Wow. Eh ben, on tâchera de voir un peu ce qu'on peut faire. Hein ? Ça marche. Ça marche? Bon. Allez, salut à tous les deux. Et puis, au plaisir. Bonne semaine, bon week-end. Tu m'envoies ton texte, hein, Claude, parce que comme ça, je le mets dedans et j'envoie le tout après. C'est fait dans les minutes qui suivent. Ça marche. Salut, ciao. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.